brise le mur du silence. Une fois la résistance lancée, face au front, combien dispenser, combien analyse l'impact de la bêtise. Je me sens comme un aveugle, je crois que le monde est trop faux. Vision idyllique, brisée comme les lampes du métro. Artifice, voix, l'égalité, c'est comme la nitro. Instable mélange, les hommes y voient un danger trop. Attaque, polémique, matraque, scène de frappe, poursuite. Skin à Saint-Cloud, le front près de chez nous, ça gravite. Merde à l'intolérance, le monde et la France, profonde comme danse. Trop frappé par la hargne, violence. Chaque parole que je lance est mise au premier banc des accusés. Au nom de tous, demande au président combien de colonies. De pays brisés, d'amour divisé, de femmes et d'hommes, combien de lésés. J'ouvre l'histoire, des pages noires, c'est par l'horreur des hommes. Requiem, un flot de sang, pandémonium. Pousse bien haut les chrysanthèmes, en l'an 2000, rien n'a changé. Qui parlait d'égalité? Hey yo, enlisé au cœur de l'hexagone, écrasé sous un génocide prémédité. Suscité des règles racistes proclamées par le pénitencier des amnésiques. D'une seconde guerre lointaine, l'édifice peu explicite dans leur speech pourri à la fin. Je m'en fiche à fond du front. Je garde la couleur de mon front. Au fond, je flippe pour ma succession. Ma génération future, peur de la voir sous un paillon. Narcisse, je suis Scorsese, je reste pour mon bataillon. Ma addiction, les laisser parler pour mieux les contrecarrer par le front. À l'instar d'un fronton, j'enverrai la balle. Idéal contre toutes leurs provocations, en évitant toutes sortes d'affronts. D'affronts, garçon, y'a quoi maintenant? Hein? Le mur du silence. Une fois la résistance lancée, face au front, combien dispenser, combien analyse l'impact de la bêtise. Ça. Yeah. Extermination, ségrégation raciale, esclavagisme, antisémitisme, race, arienne, nazi, front national, Hitler ou Le Pen égal, le même combat, cause contre laquelle lutte mon beau loi raciste, défend la race humaine, nation nubienne, le peuple urbain pour l'avenir de demain, à l'aube de l'an 2000, où le métissage nous assimile, je porte l'âme, la foi, crois en Dieu, en toi, en un monde idyllique, où les différences ethniques ne sont qu'images dans le décor, où maudit soient les couleurs, pour blanc, jaune, beurre, tant qu'il y aura des hommes, dans une France inconsciente, je crie, voudrais qu'on m'écoute jusqu'au bout du monde, qu'on dise qu'elle est à nous. Coûte que coûte à tous ces chefs d'État qu'on est à bout. Au pouvoir, que l'atmosphère est polluée, les esprits plongés dans un gouffre sans lumière doivent évoluer vers la paix, l'amour et l'unité. Qu'on unisse les peuples sans impunité, main dans la main, pour l'avenir, nos enfants à l'éternité. Et ya, et ya. Tu connais l'histoire, la haine d'un peuple, son hégémonie, son vouloir être seul patrie. Là où l'influence des différences est une force, là où certains, par leur ignorance, s'armeraient d'une crosse. Ces hommes, xénophobes de surcroît, à l'emblème symbolique, une croix gammée, un drapeau tricolore pour politique. Des quartiers extrémistes, ancrés sur terre d'accueil, où j'assiste aux funérailles de frères en cercueil. Être l'acteur d'une mauvaise scène d'un film raciste, avec l'horreur de marcher dans une ville de fascistes. La peur au ventre, le cœur en émoi. Frangin, dis-moi, ta vie aurait-elle moins de valeur que celle d'un François? De la mère, cousin, je marche pour toi, mon crew, ma famille, marche pour moi, et le reste n'est que broutille. Même si la France devenait xénophile après-demain, sache que selon l'humeur, seul le français change de couleur. Une fois la résistance lancée, face au front, combien dispenser, combien analyse l'impact de la bêtise. C'est une douleur dans le silence, être ou pas inflammatoire. Névrose sous préau, au préambule très tôt, face à l'auditoire, en psychose, discours acide, meeting pour litige, sous l'ozone, des encéphales en phobie, font que se mitige. Les positions dans le vestibule, observation par Judas. Des tentacules d'hostilité laissent de la glu sur mes bras. Esprit aride, irradié, boycotte nos places dans le radeau. Pour traverser la vie d'une rive à l'autre, marchons dos à dos. Les ados se protègent du cortège de haine qui déambule, se fabrique une bulle hermétique, la contre-offensive annule. Les forces négatives, positives. Dans la médina jeune, un havre où les éclats de sang sur les briques prennent forme de chef-d'œuvre. Perfection malsaine, déluge puis naufrage. Combat dans le système, affrontement barbate. Foulée nocturne, papa PDG. Assène son fils d'une vision figée, beaucoup trop piégé. Prisonnier d'un système, d'une France où le bien est mal, où des leaders extrêmes prêchent la violence sous forme de poèmes, où de simples électeurs à la recherche de lumière dans l'obscurité deviennent partisans du FN, manipulés par des dictateurs au cœur rempli de haine, enracinés dans une existence où les gens refusent d'affronter la réalité en face d'un pays touché pas le chômage et les problèmes sociaux. Combien se voient la face derrière des soi-disant conflits raciaux. Dommage, mais dorénavant, à 20 ans, je porte avec fierté la couleur de ma peau, représentant la voix d'un peuple derrière un micro. Fils d'un mélange pluriethnique, membre du scalp dans la HWH, je proclame ma politique sur vers et revendique. Yeah. Une fois la résistance lancée, face au front, combien dispenser, combien analyse l'impact de la bêtise. Brise le mur du silence. Une fois la résistance lancée, face au front, combien dispenser, combien analyse l'impact de la bêtise. Brise le mur du silence. Une fois la résistance lancée, face au front, combien dispenser, combien analyse l'impact de la bêtise. Brise le mur du silence. Une fois la résistance lancée, face au front, combien...